Chapitre 3e. Une visite à Arras. Au petit village de B, mon chauffeur doit s'arrêter pour une menue réparation. L'auberge où nous faisons halte est à deux pas d'un passage à niveau, en ce moment fermé et gardé par une dizaine d'hommes. Une luxueuse auto de la Croix-Rouge anglaise attend devant la barrière. Les deux dames qui se prélassent à l'intérieur s'impatientent et réclament avec arrogance. Le chauffeur tend ses papiers. Le caporal qui les parcourt hoche la tête et la dédoute. Un lieutenant survient. Il jette un coup d'œil sur l'auto et sur les papiers et donne un ordre bref. Les dames, si insolentes il n'y a qu'un instant, sont tout à coup devenues muettes. Deux soldats montent leur tenir compagnie. Deux autres s'assoient de chaque côté du chauffeur et sur un geste de l'officier, l'auto rebrousse chemin. Deux espionnes, sans doute, munies de papiers fabriqués ou volés. Je regarde d'un œil intrigué la voiture qui disparaît dans un nuage de poussière sur la route. Je n'ai pas le temps de m'attarder dans cette contemplation, car le brave erraté chargé de la garde de la barrière s'adresse à mon chauffeur. « Et toi, le cabot, t'en règles au moins ?» lui demande-t-il. « Bah sûr, pépère, nous, on n'est pas des mouches. Dame, on sait jamais. » Nos papiers sont parfaitement en règle. Le territorial se départit aussitôt de son air rébarbatif et engage la conversation avec le brigadier d'artillerie qui conduit ma voiture. « Mon vieux, lui dit-il, on est obligé d'ouvrir l'œil plus que jamais. Les espions pullulent. »« Pas possible. Il doit bien savoir qu'ils sont éventés. Et ils ne se lassent pas. C'est maintenant qu'ils cherchent à jeter la frousse. Un système à eux, quoi. Comme si on était capable de tomber dans le panneau. Tous les trucs, je te dis. Tiens, hier, c'est pas vieux, ça. Mon colon, ici même. On a pigé deux infirmières de la Croix-Rouge, deux anglaises. Non. Qui n'étaient pas plus infirmières ni anglaises que toi et moi. C'étaient deux officiers prussiens déguisés. Aussi, mon vieux, quand j'ai vu les deux particulières tout à l'heure, tu parles si j'ai reniflé, t'as eu le flair. Encore, on peut se méfier d'un déguisement. Mais où il faut ouvrir l'œil, c'est avec les soi-disant réfugiés. Ceux-là se mêlent aux évacués. Ils crient très fort que les Prussiens leur ont tout pris, tout brûlé, et que leurs parents ont été assassinés. Ils trouvent ainsi moyen de traverser les contrées occupées par nos troupes, et ils ne se gênent pas pour reluquer tout ce qui ne les regarde pas. À la nuit close, ils s'échappent, gagnent les lignes allemandes et vont toucher leur salaire, quitte à se mêler le jour suivant à une autre troupe d'évacués. « Mais je te laisse, vieux, blaine de toc qui s'amène, faut ouvrir l'œil. » J'avais écouté avec un certain intérêt ces paroles un peu confuses du brave erraté, car elles m'apportaient l'explication du style combinatoire des affiches que j'avais vu placarder à l'entrée des bourgs et des villages par les soins de l'état-major. Cette peur, ou plutôt cette surveillance, des espions devaient, en dépit des recommandations dont j'étais muni, être cause d'un retard dans la traversée du bourg de Saint-Paul sur Ternoise. Il ne me fallut pas moins d'une bonne demi-heure pour convaincre le GVC qui nous arrêta que j'étais un inoffensif journaliste qui partait en mission sur le front. L'appareil photographique que je portais ostensiblement en bandoulière lui paraissait une preuve certaine d'espionnage, et il se disposait à me conduire vers ses chefs lorsque, heureusement, un capitaine d'état-major vint à passer en auto et me tira d'embarras. À la sortie du bourg, nous sommes à 20 kilomètres d'Arras. On pénètre dans un royaume fantastique et terrible où la majesté de la guerre se révèle dans son effrayante et grandiose simplicité. Nous dépassons un convoi de plus de 100 automobiles emmenant des troupes vers la ligne de feu. Des autobus chargés de viande saignante leur succèdent. Puis c'est un convoi d'artillerie qui semble n'en plus finir. En sens inverse, les voitures de la Croix-Rouge ramènent quelques centaines de blessés. Anglais, hindous, australiens, toutes les races du monde coalisées une fois pour toutes contre la fureur des barbares. Personne n'est triste. Les visages sourient. Il y a dans l'atmosphère une espèce de fièvre joyeuse. On n'aperçoit plus aucun paysan, mais à mesure qu'on approche d'Arras, les tranchées se multiplient. Là, des artilleurs se reposent, vautrés dans l'herbe, la pipe aux dents, pendant que le cuisinier fait la soupe. Un peu plus loin, des Irlandais dépècent une vache qui a été tuée par un obus allemand et que leur colonel a royalement payée à son propriétaire. Les hommes sifflotent et malgré le canon qui gronde, il y a dans l'air une sorte de gaieté terrible qui réconforte. Les deux tours démantelées par les obus allemands de l'abbaye fondée par Saint-Éloi nous apparaissent. Nous approchons d'Arras. Le bruit de la canonnade est devenu assourdissant. Deux ou trois biplans survolent la ville et dans une grande prairie verdoyante en contrebas, j'aperçois 5 aéroplanes posés là comme de grandes libellules blanches qui vont bientôt prendre leur essor. Mon auto m'a déposé à l'entrée de la ville. Je passe sous un petit arc de triomphe de style Renaissance, jusqu'alors épargné par la mitraille, et me voilà vaguant au hasard dans les rues. Les façades des maisons, aux vitres crevées, ont quelque chose de lamentable. Beaucoup de toitures sont défoncées, des maisons écroulées barrent la chaussée. Dans la cour du palais préfectoral, un trou de 2 mètres de profondeur a été creusé par l'explosion d'une marmite. Les vitres de beaucoup de fenêtres sont brisées, des colonnes ont été démolies. Le bâtiment a l'aspect des édifices en ruine. Le préfet du Pas-de-Calais, M. Briens, est absent au moment où j'arrive, et c'est son chef de cabinet, M. Outhier, qui me reçoit de la plus courtoise et de la plus aimable façon. « Monsieur le préfet, me dit-il, est allé faire sa tournée quotidienne de distribution de vivres. Aurais-je l'honneur de le voir cet après-midi ? Certainement, il va rentrer pour déjeuner. » Ce mot fait tressaillir mon estomac qui me rappelle que je ne lui ai rien donné depuis la veille. « À propos de déjeuner, lui dis-je, pourriez-vous m'indiquer un restaurant ?» Le chef de cabinet éclata de rire. « Un restaurant, mon cher monsieur. Mais il y a beau temps que l'on ne sait plus ce que c'est, Arras. Vous n'avez qu'une ressource, c'est de goûter la cuisine préfectorale. Je vais faire mettre votre couvert. Nous avons encore, heureusement, en dépit du malheur des temps, d'excellents vins en cave. » Le préfet, M. Briens, rentre sur ses entrefaites. « Je m'excuse de mon indiscret sans gêne. « Ne vous excusez pas, je vous en prie, me dit-il. Vous me faites un trop sensible plaisir. Je suis toujours heureux de recevoir la visite des gens de l'arrière, d'avoir des nouvelles fraîches de Paris. Comment va-t-on là-bas ? J'ai entendu dire que certains esprits chagrins trouvaient le temps long. S'ils étaient à Arras, je vous assure qu'ils ne penseraient pas ainsi. Voilà 2 ans et demi que nous n'avons pas eu 1 minute de repos ou de tranquillité. Voyez-vous que cela nous empêche de croire à la victoire ? Il faut tenir, tout est là. Eh bien, nous tenons. Ce n'est pas plus difficile que cela. Il s'agit de vouloir, voilà tout. » Ainsi aimable accueil m'a tout à fait réconforté. Je ne fais même plus attention au bruit du canon. Jamais je n'ai déjeuné d'un si bon appétit. On ne s'éternise pas à table, car l'après-midi, le préfet a de nombreuses audiences. Pendant que dans son cabinet, je feuillette, dans un coin, quelques journaux, M. Briens et 2 de ses plus dévoués collaborateurs expédient tranquillement les affaires courantes, tout comme si la canonnade ne grondait pas sans interruption. Ce sont des évacués, des malades, des solliciteurs de toutes sortes, des fonctionnaires, qui viennent demander des instructions ou un conseil. M. Briens veille à tout, répond à tout, à moins d'impossibilité, renvoie tout le monde content. Entre-temps, il a trouvé moyen de mettre à jour un volumineux courrier et de terminer un rapport. Je me hasarde à lui demander si la canonnade ne lui donne pas parfois des distractions. « Ma foi, non. » répond-il avec un sourire. « Je suis trop occupé pour faire attention au bruit des obus. Au début, je ne dis pas. Dès que j'entendais l'éclatement d'un projectile, je sautais. Mais depuis, j'ai l'habitude. » « J'ai une proposition à vous faire, » me dit à brûle-pourpoint M. Outhier, l'aimable chef de cabinet de la préfecture du Pas-de-Calais. « Si vous n'êtes pas trop heureux, nous allons monter dans les combles. De là, on embrasse tout le panorama de la ville. Vous pourrez distinctement voir tomber les obus. » Nous voici maintenant juchés sur des chaises boiteuses et la tête passée par les lucarnes. Nous dominons toute la perspective. Arras, avec ses clochers démantelés, ses toits crevés, ses rues barrées de mines, et plus loin, la campagne avec de rares arbres jaunis, ses villages où subsistent encore quelques toits de chaume et de tuiles rouges. Les grosses pièces allemandes auxquelles répondent nos admirables 75 font un tapage assourdissant, mais à ma grande déception, je ne vois rien. Le pays semble désert. Seul, montant la garde, 2 avions français mettent une tache blanche sur l'azur pâle du ciel d'automne. L'invisible danger planant sur cette ville désolée, sur cet horizon solitaire, a quelque chose de profondément impressionnant. « Vous avez déjà vu, m'explique M. Outhier, la fumerole, le flocon de fumée blanche qui s'élève au-dessus de l'endroit où tombe l'obus. Mais regardez bien, tenez, là, vous apercevrez la petite flamme rouge qui précède l'explosion quand le coup part. » Effectivement, nous sommes aux premières loges. Les Allemands ne sont qu'à 2 ou 3 kilomètres d'Arras. Tandis que nous sommes à notre observatoire et que je prends quelques vues intéressantes pour mon journal, une fumée noire s'élève tout à coup d'un point du faubourg bombardé. « Les bandits !» murmure le chef de cabinet. « Ils continuent à tirer sur l'hôpital. Nous allons informer le préfet de nos observations. « N'est-ce pas abominable ?» continue M. Outhier pendant que nous descendons l'escalier. Depuis novembre 1914, il n'y a pas eu de jour où l'hôpital Saint-Jean n'ait reçu quelque éclat d'obus. Il était encombré de blessés au premier bombardement d'Arras. Il y a eu 7 morts, 2 sœurs de charité, 1 enfant et 4 malades. Nous avons fait petit à petit évacuer le personnel et les pensionnaires, comme bien vous pensez, mais ce n'a pas été sans difficulté. Nous avons dû d'abord placer nos malades dans des caves où ils étaient fort mal. Puis nous avons pu les envoyer à l'arrière. Il ne reste plus que quelques-uns aujourd'hui que l'on a mis sur les paliers des escaliers où ils risquent moins d'être atteints. Si vous voulez, nous allons nous y rendre. Très volontiers. M. Brien s'excuse de ne pouvoir sortir avec nous, car sa série d'audiences n'est pas encore terminée. Nous voici dans les rues d'Arras. Le merveilleux hôtel de ville, ce joyau de l'architecture hispano-flamande du XVIIe siècle, n'est plus qu'une ruine. C'est un informe monceau de plâtras, de briques, de ferraille, d'où émerge çà et là une statue décapitée, une main de pierre qui semble suppliante. Avec un acharnement de brutes, les Allemands se sont obstinés et s'obstinent encore à bombarder les ruines des ruines. Des blocs sculptés ont été réduits en tout petits morceaux, littéralement pulvérisés. L'orgueilleux lion des Flandres est en miettes. J'en aperçois encore une griffe allongée sur la rose symbolique. Par un hasard miraculeux, la grosse cloche fondue en 1434 et qui pèse 9 000 kilos est presque intacte, les bords à peine fondus par la chaleur de l'incendie. Tout le côté gauche de la place, avec ses curieuses maisons flamandes aux pignons en escalier, est complètement détruit et présente le plus navrant spectacle. « Nous avons engagé, m'apprend le chef de cabinet, nos concitoyens à quitter la ville et aller se mettre à l'abri des obus dans une ville de l'arrière. Ce n'est que depuis quelque temps que nous avons obtenu d'un certain nombre qu'ils suivissent nos conseils. Savez-vous pourquoi ils ont tant tardé ?»« Peut-être, répliquai-je, pensait-il que les ennemis se lasseraient de bombarder des ruines ?»« Pas du tout, cher monsieur. Nul ici ne compte sur la générosité des Allemands. Mais malgré la pluie d'obus, les vieux arrageois n'ont pas bougé tant que le beffroi à l'ombre duquel toute leur existence s'est écoulée est resté debout, dominant la ville. Le jour où il s'est écroulé, il leur a semblé que quelque chose d'eux-mêmes avait disparu, et ils ont moins hésité à partir. Nous continuons notre chemin en nous frayant un passage à travers les décombres. Partout le même désolant tableau. Pans de murs éboulés, poutres noircies, solitude et dévastation. Le théâtre, le musée, la rue des Trois Mages, la rue Gambetta, la rue Saint-Géry, le quartier d'Audimel, ne sont plus qu'en ruines. On marche dans les cendres mêlées de plâtras et de suie. La cathédrale est encore debout, mais le svelte minaret qui reproduisait le reliquaire de la Sainte Chandelle a été décapité par un obus. Nous entrons à l'hôpital Saint-Jean. Le bâtiment, aux salles spacieuses, aux cours plantées d'arbres, porte partout les traces d'un terrible bombardement. Là, un trou béant s'ouvre dans la toiture, ailleurs, un pan de mur s'est écroulé et la terre est labourée dans certains endroits par les projectiles. L'interne qui nous reçoit est là depuis le commencement des hostilités. Il n'a pas un instant quitté son poste et dans le dernier bombardement, il a été blessé au bras. Il n'y a aujourd'hui, nous dit-il, aucun accident de personne. D'ailleurs, il ne reste plus grand monde ici. Nous n'avons gardé que les malades intransportables. Mais l'heure passe. Je dois me trouver au quartier général britannique avant le soir. Je prends congé de l'aimable M. Outhier et je vais rejoindre mon auto. Mon chauffeur m'attend au coin de la rue de l'Hôtel de Ville, près d'une boutique, une des rares d'ailleurs, qui soit encore ouverte, où un petit vieux vend des couronnes funéraires pour les victimes du bombardement et des cartes postales illustrées montrant les ravages de l'artillerie allemande. J'achète quelques-unes de ces cartes à titre de souvenir et en route. Une demi-heure après, je suis reçu par le général X, commandant une division anglaise. C'est dans le sous-sol, à 6 pieds sous terre, où sont installés confortablement les bureaux de l'état-major, que je prends le thé traditionnel avec les chefs de l'armée alliée. Puis, après 2 heures d'une conversation pleine d'intérêt, je pars, accompagné d'un interprète et d'un capitaine, pour dîner aux messes des officiers. Nous devons nous rendre aux tranchées le lendemain matin.